Ou encore, tu pourrais attendre que je l'ai tué. Tu me dé... Soixante et dix pour cent. Chaud, insupportable, le moins. Moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Mike, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. 70%. Bonne écoute. Dans ta face, téléspectateur. From the bowels of earth. En fait, bonsoir. On va commencer comme il faut parce que fait chaud en studio. L'ambiance est incroyablement tight. Je veux dire, c'est les Transformers de l'espace, un des plus grands dessins animés japonais, asiatiques, taïwanais. De tous les temps, c'est vraiment solide. Ça a été voté au www.douteux.org. Je commence par la moins grosse des nouvelles. Après ça, on a Julien Bernatché, récipiendaire 2012-2011 de l'animateur de radio à Choc FM. C'est exact, Tommy. Meilleur animateur 2012, le meilleur Choc FM. Pow, man. Ouais. Y a-tu un sujet à ta chronique aujourd'hui? Effectivement, Tommy. Ça me demande. On n'est pas un meilleur animateur sans avoir de sujet. C'est vrai, on ne vient pas les mains vides de sujet. Oh non. Cette semaine, j'ai un jeu pour les amis. On va jouer à une bonne autre partie de Michel Vaillant ou Michel Tremblay. Ah, yes. Excellent. Ouais. Ça risque d'être pas facile. Alors, je vais expliquer ça tantôt, les règles. Là. C'est bon. Ouais. Boudreau, toi, ton. Boudreau. Je pensais à ton défi. Je me rappelais plus c'était qui te l'avait posé. Mais toi, c'est quoi qui se passe aujourd'hui? Ah, moi, écoute, je travaille. Bon, c'est bon, ça va. C'est bon. T'as juste à part, là. Mais voilà, il t'attend que... Ouais, c'est ça. Et voilà. Bon. Tant que j'allume, mais c'est là. Hein? À un moment donné, il faut que ça roule, cette économie-là. Forêt, tu vas nous parler de quoi, toi? Moi, aujourd'hui, c'est le mois de Marie qui commence, le mois de mai. Et puis, j'ai des chansons sur Marie. Et par des Marie. Également. Marie-mai. Ah. Le mois de Marie-mai. C'est facile. Marie la forêt. Le mois de mai, c'est le mois de mai. Marie et quelle? Non, mais je parle de la mère de Jésus-Christ, très saint, notre Seigneur Sauveur, qui est mort pour nos péchés. Mmh. Voilà, fait que c'est le mois de sa mère, man. C'est bon. Et moi, j'ai déjà entendu dire sur elle que c'est la fille qui a le plus tenu son bout de tous les temps. Tu penses? Hey, comment ça, t'es enceinte? On l'a même pas faite. T'as joué une lange. Là, t'allais payer une coupe de berger. Là. Bon, mais il était simple. Joseph, il était simple. Il n'a pas besoin de grand-chose. Ben oui, c'est ça. Sinon, on va poursuivre l'introduction puis régler le cas de Jésus. Ça a été fait hier à la Despotec. Voilà. Sinon, on va avoir dans l'émission l'excellent Bruno qui va venir nous rejoindre. Et puis, on va aussi avoir un clip original de Joe Levert. On pense tout de suite à remercier PJ, Andy, notre régisseur, et Dieu, qui lui aussi va nous amener un clip nostalgie. Et... le plus beau, le meilleur pour la fin, c'est Guillaume. C'est Guillaume qui est notre ami de Paris, qui est cofondateur de Pas de pitié pour les navets en France. Oui! Et voilà, ils ont envoyé. Invité! Ouais, c'est du pur, c'est du gros, fait que ça va faire un gros 70%. Et d'ailleurs, pour commencer ça, comme ça a été un gros party en fin de semaine au Québec, ça brasse, on est en train de vraiment vivre des années assez pyrotechniques. Fait que, on va écouter le premier clip. En fait, on a comme créé Néric, DJ Néric, qui était là-bas. Ouais. Là, il s'appelle Tommy, mais en tout cas, j'ai bien aimé ça, faire ça. Avec Joe Levert, pèse play, s'il te plaît, mon ami Dieu, et ensuite ce sera 70% jusqu'à temps que ça soit plus 70% sur les ondes. C'est Tommy Godette, on est en train de chiller au congrès du Parti libéral de la France! Le cher, on a traîné nos plus gros fans, nos plus gros homies, le Chloé, on a Vincent Lachaud avec là-bas, on a Stéphane, on est tchit, on est avec la gang, ils s'en viennent de là-bas, puis ils veulent dire de quoi un certain Jean. Et puis le plus beau qu'on a vu à date, à part Jésus, check! Le hélicoptère, on a la musique, c'est pas le party! Gros party! Non, non, plus de carte avant, plus de carte pour la partie avant! On est rendu à l'autre partie, une partie. Là, tu trouves un bout de clôture et adapte-le. Ça, c'est quelque chose de particulier. Il va y avoir des amis de l'autre côté. C'est un jeu ben le fun. On va aller voir comment ça se passe. Attendre le nouveau hit, c'est Charlotte dehors, puis le plan d'or, ça va être fort! C'est le mois le plus beau. Voilà, mesdames, messieurs. Donc, je remercie encore et toujours chaleureusement Daniel Gabriel qui a fait la petite vidéo qu'on vient de voir, qui me fait... Très réussi. Qui m'émouvoit. Il a bien capturé l'essence, Étienne Forêt. Oui, oui, tout à fait. Le choix des photos est remarquable. Le choix des animaux également. Il n'a fait aucun choix, mais photos presque. Alors. Il a juste tout pris ce que j'avais. Ouais. Donc, voilà, c'est le mois de Marie, puis ça brasse en tabarnane. Donc là, Marie, là, tout le monde sait c'est qui. J'en ai parlé tantôt. J'avais pensé qu'on pourrait commencer par se recueillir un peu avec une petite prière. Ah. Le très célèbre « Je vous salue, Marie ». En chanson, ici, par Alain Coulombe. Super. En tout cas, il est sûr de ne pas payer les droits, lui. Ouais. Bon point. À quand la Bible en chanson? Je vous salue, Marie. Pas d'accueillement, s'il vous plaît. Comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre tous. De les femmes et Jésus, votre enfant. C'est tout fait brainwasher ça au plus profond de la mémoire. As-tu grandi là-dedans, toi? Non. Tu n'as pas de cours de religion à l'école, hein? Mais comment tu fais pour avoir de la morale? Ça fait un bâche. Tu balades dans les rues, tu l'as vu, ce qui bouge. Voilà ce qu'il faut pas faire. Juste des désavantages. Écoute, tu peux te repentir. Non, il y a toujours temps. Tu peux te repentir, je suis mauvais. On a toujours une chance. Même à ça. Dieu est d'abord mon maudit. Même les Français. Il a dit, laissez venir à moi, les Français. Bon, alors, on a assez eu de prière. Mm-hmm. Donc, tu me montres, c'est quoi la différence entre Marie et le Y des femmes? Il n'y en a pas, les deux sont pleines de grâce. Ah! C'est carré. Merci, mais... bonsoir. Ceci étant dit, on va se plonger maintenant dans l'œuvre de Aimé Major, qui nous chante ici Vierge Marie, avec beaucoup d'émotion. Je vais monter le son. La caméra est croche. On a un penchant vers la gauche à Luto TV. C'est depuis la cour du roi Péto. Vierge Marie, mon cœur s'ouvre à toi. Je t'en supplie. Ah, il l'aime vraiment beaucoup. Bon, tu vas chanter sans connaître les paroles. Ouais, non, c'est ça. Exact. C'est très beau. Ouais, hein. Mais ça, c'est, écoute, Dieu, c'est comme ta blonde dans le fond. Et ta mère. Attends, t'es en train de dire que c'est ma blonde qui chante là? Non, mais c'est de ta blonde qu'on chante. En tout cas. Je vais garder ça au silence. Bien pensé. Ce soir, dans le loft. Dieu et Marie ont des rapprochements. Dans le spa. Mon Dieu, il est tellement correct qu'il a demandé à quelqu'un d'autre d'aller faire la besogne. C'est comme lui quand même, en même temps. Il est un petit peu tout, lui. Il en laisse passer pas mal. Il est grand, le mystère de la foi. Ouais, ramène-nous au mois de Marie. Oui, eh bien, il y a Fernand Gignac aussi qui a prié la Vierge Marie dans sa chanson « Prière à Dame Marie ». Parce que lui, c'est pas la Vierge, c'est la Dame, donc voilà. Ça commence à se sanctifier. Je te salue, Dame Marie, toi qui es la reine des cœurs. À tes genoux, ce soir, je prie, pour que tu protèges mon bonheur. Sacré Fernand. Oui, car demain je me marie. Et rimer Marie avec Marie. Je fais serment. Oui, sacré garde Fernand. Garde mon cœur, garde ma vie. Pour ma femme, pour mes enfants. Et si parfois. Hey, Fernand Gignac, là, tu sais, c'est quoi ça fait ici, ça? Hein? Ben, ça fait tomber. C'est bien, mais c'est le mois de Marie. C'est pas supposé être le fun. C'est supposé être un moment de recueillement. Pourquoi le printemps arrive, tu peux enlever du linge, là, aujourd'hui? Aïe, aïe, aïe, on retourne dans nos églises. Voilà. Fernand Gignac, qui, je le rappelle, n'a jamais refusé une pipe. Oh, il est allé là. Merci. Je conclue mon bloc religion. Parce que après, je vais avoir d'autres tunes de Marie, mais qui n'ont pas rapport avec la religion. Je conclue avec vraiment ma découverte personnelle de la semaine, de l'année et de ma vie. Il s'agit de Jean-Claude Giannada. La photo de pochette va apparaître à l'écran à un moment donné. Jean-Claude Giannada, lui qui a chanté... What is that? Bon, check dans mon folder. Il a chanté Marie du mois de mai. Et puis, c'est vraiment super bon. Je vais le faire à l'instant. Il y a bien plus de beats là, que ces vieilles affaires-là poussiéreuses. Et comme un enfant plus moderne, le cœur confiant dans les liens. Ça rejoint les jeunes, oui. Je viens simplement vers toi, Marie, du mois de mai. Et voilà. Et comme un enfant, le cœur battant et sans embâge. Je viens simplement pour toi, Marie, dis-moi de m'écouter, enfin quelqu'un pour qui j'existe. Obtiens-moi surtout dans ton reste que je t'expose, yo là, tu respectes pas plus le mot de Marie que ça. J'avoue. Mais c'est l'œuvre de Barbara Carlton. C'est pas vraiment à toi que je lançais les affaires, caméraman. C'était plus au concept du mois de Marie. C'est une métaphore. Ah oui, ben oui. Donc, ce que vous devez faire, là, si c'est pas déjà commencé, c'est qu'à chaque jour du mois de mai, vous devez mettre des fleurs sur une statue de la Vierge Marie et penser à une de ses vertus, une de ses qualités et méditer là-dessus et sur la place que cette vertu-là pourrait prendre dans votre vie à vous. Donc là, vous êtes possiblement déjà 6 jours en retard. Fait que commencez vite. Là. Possiblement. Pour ceux qui ne l'ont pas fait encore leur mois de mai. Oui, c'est sous cette chanson d'un coup, ça vaut la peine. Oui, ouais, ouais, parce que écoute, tu veux quand même avoir Marie de ton bord, si c'est possible. Voilà, mais c'est ça. Ceci étant fait, après ça, dans le prochain bloc, je reviendrai plus tard, j'ai des chansons par des maris ou sur des maris autres que la Vierge. Voilà. Je ne l'ai pas trop mettre là-dessus, il n'y a pas eu de courrier non plus. On a eu un courrier, en fait, c'est vrai, j'allais l'oublier. On a eu un courrier, un vrai en plus, même pas de spam, rien. Il s'agit de Jean-Sébastien Maréchal Parent, notre auditeur et fidèle aspirant contributeur. Qui nous a envoyé les pires pochettes d'albums dans un PowerPoint sympathique. Alors aujourd'hui, on a un épisode très rempli, mais bientôt, je le promets, on va toutes les montrer, puis ça remplacera un peu ma chronique, les pires pochettes. Comme ça, j'aurai une fois que j'aurai pas besoin de l'apporter. C'est cute. C'est quelqu'un d'autre qui va faire le travail pour toi. Fait que sinon, les autres, si vous voulez nous écrire, c'est toujours possible. 70% à gmail.com, donc 70POUR100@gmail.com. Écrivez-nous. On est là. On est aussi sur Twitter. Twitter.org, et puis on est sur Facebook. Oui, on est pas mal partout. On est partout. Plus, hein? Bientôt, on va avoir un texto pour toi, le jeune. Pour les 13-19 ans. Les 13-19 ans, notre nouveau public. Ah oui, c'est du texte, on t'envoie des t-shirts. Non, c'est des Honda, des Toyota Tercel, je pense. Non, des Honda Civic. On recommence. C'est des Nissan Sentra. Ouais, mais là, pour plaire aux jeunes, il va falloir aller vers la Civic. Là. Oui, on regardera pas un vieux char de mon oncle. Là. Hey, là-dessus, on s'en va à Boudreau. Let's go. Feu, Dieu. Dieu, Boudreau. Boudreau. Dieu. Maman. Bonne semaine. Bonne semaine. Ça marche pas. Ça marche pas qu'on me dit d'expliquer directement de Dieu. Fait que, c'est bien fait. On commencera pas la chronique, mais je vais en faire pareil. C'est bon, ça. Hey, cette semaine, je travaille en tabarnak. C'est la meilleure affaire que satisfait de ce début de chronique. Oui, c'est vraiment le meilleur à date. Hein? C'était à date, c'est vraiment pas pire. Yes, sir! Fait que cette semaine, Chris a travaillé, nouvel job, tu sais, ça nous préoccupe beaucoup. Premier mois difficile. Des vieux souvenirs qui remontent à la surface, là, des crises d'angoisse, des paniques passagères, des folies, des démences, des possessions, tu sais, je suis passé par plusieurs états. Oui, ben, je pense que c'est normal hein, quand il y a un changement de même dans ta vie. Absolument, c'est ça, j'y suis beaucoup. Je travaille, tu sais, fait que 40 heures semaine cette semaine, on a commencé fort, fait que j'ai décidé de prendre des vacances. Ouais, t'es bien fait. C'est vrai, non, mais quand tu travailles trop, tu sais, fait que je vais consacrer ça à la littérature pornographique, le visionnement de films d'animaux. Puis le collectionnage d'espèces rares de chenilles aquatiques dans un nouveau RPG gratuit en ligne. Hein? Bref, je vais passer ma semaine sur Internet. J'aime ça. Je sais pas encore quand je vais aller les prendre. Là. C'est un projet à long terme. T'sais. Pour l'instant, je travaille. Ouais, tu m'inquiètes. Là. Oh, mais je garde le moral. Là, t'sais, bon, travailler. Okay. T'sais, fait que j'ai redécoré mon cubicule. T'sais, j'ai un cubicule de travail. Fait que un calendrier de femmes tout nues, des dents minou puis une photo des Canadiens. Les vraies valeurs. Les vrais. Le Québec. Oui, le vrai. Hein? Molson salue les vrais. Ça, c'est important de le dire. On le dit jamais assez. C'est vrai. J'écoute Rouge FM. Excellente station de radio. Puis je participe au concours l'après-midi. Vous gagnez des laissez-passer pour deux dans les comédies musicales. T'sais, je me change le mal de place. T'sais. C'est pas évident, là. Je travaille dans un parking, pour ceux qui croient que ça peut être intéressant. En passant, aller aux toilettes dans une salle de bain mal éclairée, froide et humide, c'est pas l'endroit idéal pour lire de la poésie, là. Non, c'est vrai. Non. Ça va vite aussi, tu sais, il faut que tu restes à ton poste. Oui, tu laisses le parking sans protection, sinon. Ça, c'est, ouais, c'est ça. Puis à ce moment-là, tu le sais, qu'est-ce qui arrive, Julien, quand on laisse le parking sans protection? J'ai vécu beaucoup, oui. Mais ben, là, le monde vole des affaires. C'est ça. Ils partent avec des bouts du parking. Non, mais c'est vrai. Ouais. C'est arrivé combien de fois? Moi, en 3 ans, c'est arrivé. C'est pas arrivé. Mais non, ça, mais, okay. Ouais. Il y a des légendes. Il y a toujours eu la menace que ça puisse arriver. Ben oui, c'est ça. Vite. C'est le parking Joe, là. Ben oui, ben. Bon venez, si tu es pas là. Arrête de me faire peur. Parking Joe m'empêche de dormir déjà assez de même. Fait que. Mais il y a un itinérant qui est brisé à barrière à mener, par exemple. C'était Parking ouais. Joe. Ouais, mais bon. C'est ça, déguisé en itinérant. Ouais. Tu avais-tu pitché plein de gaz lacrymogène? Non, j'essaie comme rien faire. Rien du tout. Je le regardais. Si du gaz lacrymogène pour vrai. Si quelqu'un pète les barrières, je pense que c'est la chose à faire. Ben, c'est ça. Du maïs pour les ours. Oui, oui, mais c'est un parking avec plein de ressources, je te dirais. Ouais, ouais. Peux pas tout te dire. Non, non, mais je suppose qu'on travaille pour des gens importants, attention. On parle d'économie ici, hein. Fait que c'est ça. J'ai reçu mon premier chèque de paye. Déjà? Bah! Hey, j'étais content. Est-ce que je peux enfin me payer ce que j'ai toujours voulu? Consommer. De la consommation. De la consommation. Puis tu sais, ben, moi, je suis naïf, tu sais. Fait qu'un matin, en m'en allant travailler, je me suis dit, tiens, je vais aller me chercher un café. Hein, je peux me payer ça, un café, hein? Fait que je rentre au Starbucks, tu sais, question d'avoir choisi le meilleur resto pour me faire fourrer, tu sais. Fait que là, je demande un café. Fait que le gars, il me dit en anglais, ça va être two. Fait que là, j'y réponds en français, non, je vais prendre le deux muffins aussi. Fait que c'est une erreur. C'est une erreur. Moi, je le savais pas que les muffins, ça vaut 10 piastres chaque. Je le sais pas, Calis. Mais bon, j'exagère un peu, pas 10 piastres. Mais Chris, la livraison à ta table. Oui, oui, mais deux muffins puis un café grand format, là, à 8,74, là, moi, ça m'a réveillé. Fait que j'ai regardé le gars pis j'ai dit, laisse faire le café, je suis réveillé. Oh. J'ai rêvé une licorne aussi. Parce qu'on peut dormir au parking. Oh oui! Non, non, mais on peut pas, mais c'est suggéré, là, tu sais, par l'ambiance. Jack qui dort, moi, là. Il se passe tellement d'affaires. Fait que j'ai rêvé une licorne. Sa corne, c'était comme un serpent, elle était en feu, puis elle me criait « Je ne suis pas ce que tu vois! Ne sois pas dupe! » Fait que là, je sais pas, moi, ce que ça veut dire, tu sais, mais c'est la dernière fois que je m'informe sur la politique avant de me coucher. C'est fini. C'est fini, plus jamais. Écoute plus TVA. Non. Fait que j'ai vu tantôt votre vidéo, Victo. Je trippais pas mal. Moi, j'étais dans mon cubicule hein, pendant ce temps-là. Je tiens à le souligner parce que c'est important. Vous autres, vous avez vu du fascisme contre du révolutionnarisme. Puis, ben moi, quelque part, j'ai écouté un album de Primus puis des DVD de South Park, là. Fait que, ben, y en a qui se la coulent douce en crise, là, tu sais. Ouais, ouais, ben, c'est correct. Bon, on a chacun nos priorités. Non, non, non, on a chacun nos priorités. Ouais, ouais. T'es un peu embourgeoisé, je trouve. Ben, pas mal, pas mal. Je m'embourgeoise beaucoup, tu sais. Ouais. Je mange des sandwichs. La belle vie, comme dit l'autre. La belle vie, tu sais. Des muffins à 8 piastres. Des muffins à 8 piastres. Deux. Pas un, deux. Tabarnak. Si à manger deux muffins, la belle vie. Ouais. Fait que. Un muffin par jour, tu payes la hausse, là. Non, absolument. Non, absolument. Tu es conscient de ça? Ouais, ouais, je suis conscient en crise. Fait que, ben, c'est sûr, j'ai une petite blague pour vous autres. Ça, c'est mon j'ai vu un patron, hein. En tout cas, il est passé vite, mais je l'ai vu. Puis ça m'a inspiré cette blague-là que quelqu'un m'avait racontée à un moment donné quand j'étais au primaire. Fait que c'est un jeune puis un vieux qui sont dans le métro. Le jeune, il demande « C'est pourquoi le chapeau que vous portez? » Fait que le monsieur répond « Ça, c'est une kippa. C'est un chapeau juif. Nous le portons pour la modestie. » Fait que le vieux, tu sais, qui veut partager aussi avec le jeune, tu sais, il demande au jeune, il dit « Vous, jeune homme, pourquoi portez-vous cette casquette à l'envers? » Et le jeune lui répond « Bon, pour la même raison que vous, là, pour la modestie. Ah! » Fait que... Après cette délicieuse blague. Oui, on est prêt pour un mariage. Fait que... non, mais en terminant, là, en terminant, gars... La semaine prochaine, je réponds à une délicieuse question d'un certain JMP qui m'a envoyé, qui m'a imposé le sujet suivant, la gratuité scolaire. Donc, je peux tout de suite te dire, cher JMP, que ta question me fait mouiller comme une jeune fillette en fleurs devant un poster de Johnny Depp déguisé en vampire. Je vais répondre à ça la semaine prochaine. En attendant, cette semaine, non. Merci Mathieu. Ça m'a fait plaisir. C'était touchant, c'était très plaisant. C'était prêt. C'est tu vois, je pense pour digérer ça, on va aller écouter un clip avant de passer à l'entrevue avec Guillaume. Ça va. On va y aller pour Mario Benjamin qui nous a fait Marcy. le peuple québécois. Yes, tu vois, sir. Ça va te remonter le moral, mon poudreau. Je suis vivant. Oui, je suis vivant. Oh, il va partir. Bon. もらったの巻きまでいやいやよ。 Och jag nej till nu är faktiskt en I-I-I-O. Alla må-må-må, alla må-må-må, alla må-må-må, alla må-må-må. Morgsen och makvalis I-I-I-O. Och jag nej till nu är faktiskt en I-I-I-O. Sur douteux.tv, les manchères internationales, avec Bruno Corbin. Quel scoop! Bruno! Ah, d'accord. Alors, un terminal achalandé de l'aéroport international de Newark a dû être évacué et fermé après qu'un bébé n'ait pas été inspecté correctement au point de sécurité. L'incident a été causé par ce qui pourrait être considéré comme une méthode astucieuse pour faire passer quelque chose de l'autre côté du détecteur de métal. Lisa Farbstein, porte-parole de la Transport Security Administration, explique... La mère est passée dans le détecteur de métal avec le nourrisson dans les bras. Le détecteur a sonné. Elle a alors donné le bébé à son mari qui était déjà passé par le détecteur de métal et est repassé sans qu'il ne sonne. Pam! Tu vu? Ouais. Les agents de la TSA n'ont pas réussi à retrouver le bébé potentiellement létal puisqu'il était probablement déjà dans les airs. Ils ont donc décidé de procéder à l'évacuation et la fouille du terminal. Le bébé terroriste est toujours au large. C'était peut-être un robot. Ils ont fermé l'aéroport, le bébé est passé. Ouais, le bébé est passé. Fait mais là, ils savaient que c'était un vrai bébé. Il avait peut-être mis une bombe dans l'aéroport. Ouais. S'il avait mis une bombe dans l'avion, là, de toute façon, tu peux plus rien faire. Trop tard. Ouais. C'est ça. Fait que tu peux pas checker. Fait que t'es face. Tu fermes autre chose. Le numéro de l'avion, c'est ta liste d'avion. Ouais, c'est ça. Tu dis ça de même Dieu. En tout cas, ben, tu me tiendras au courant. S'ils pognent le bébé, ça me fait peur. Si même les bébés deviennent. Ils brûlent moi. Il s'en allait où, là, ce bébé-là? Il s'en allait, on le sait pas. Pays d'histoire, dans, tu le sais, s'en allait. C'est où? Peut-être ici, là. Non. On sait pas. Non, ça se peut, hein. Non. Peut-être débarqué à Trudeau tantôt. Ouais, j'avoue. C'est pas des horreurs. C'était quand même ça. La semaine dernière, fait que s'il est débarqué à Trudeau tantôt, il a fait des escales en tabac. Ah, ben, t'as même le bébé, il a couvert des traces. Il y a des faux parents dans différentes villes. Ah, ouais, continue. D'accord. Le 19 avril dernier, une femme de 41 ans était au volant de son scooter et allait ramasser ses enfants dans une école de la ville de Haikou en Chine. Elle voulait stationner son scooter devant un commerce, mais l'homme de 42 ans, propriétaire du dit commerce, a refusé de la laisser faire. S'ensuit une dispute au cours de laquelle la femme a réussi à s'emparer des testicules de l'homme. Elle a ensuite procédé à serrer jusqu'à ce que l'homme s'effondre par terre. L'homme a été transporté en ambulance à l'hôpital, mais malgré les efforts du personnel médical, il est décédé de ses blessures. Oh! Il l'avait quand même cherché. Aïe! Ouais. Puis, as-tu pu parquer son scooter? Je pense que oui. Oui, après ça, ouais. Ben, tu sais, aïe! Il n'y avait plus personne pour lui dire qu'il n'avait pas le droit de le faire. Fait que... Mais il y avait peut-être une ambulance qui avait pris la place. Ouais, peut-être. Fait que c'est quoi? C'est des homicides involontaires. Allez, let's go, Hino! Ah, d'accord. Pour vous, les gens qui croyaient que le Nutella était une alternative santé pour le petit déjeuner, justice a été rendue. Une femme de San Diego a intenté en 2011 une poursuite en justice contre Ferrero, la compagnie qui fabrique la tartinade hautement addictive et crissement bonne avec des bananes, car elle s'était fait induire en erreur par une publicité proclamant que Nutella faisait partie d'un petit déjeuner nourrissant et non d'un petit déjeuner engraissant. Ferrero doit verser 3 millions de dollars en dommages et intérêts, dont 2,5 seront distribués aux demandeurs d'un recours collectif dont vous pouvez faire partie. Vous êtes gros, vous mangez du Nutella? Alors, c'est le temps de fouiller dans vos reçus d'épicerie que vous avez bien sauvegardé depuis 2008. Vous pourrez vous faire rembourser jusqu'à 5 pots de Nutella. Oh ben, calvaire! Ça va Ferrero devra aussi changer sa campagne de marketing afin de résoudre toute idée fausse concernant les bénéfices gros. Santé de leurs produits. Ouais. Ouais, c'est à moitié de shortening. Ça, ouais, c'est beaucoup de sucre. Au Canada, ils disent que c'est une bonne source d'énergie. Ce qui est totalement vrai. Ouais. mais faut que tu brûles. Ouais. Parce que ouais, c'est une bonne source de caoutchouc dégueu. D'après moi, si tu crisses le feu là-dedans du Nutella, tu vas avoir une belle flamme bleue pendant au moins quelques secondes. Il faudrait essayer. On essaye-tu, mettons, à cette heure, on dit invité, puis on scanne pendant 3 secondes, puis après ça, on parle avec Guillaume. C'est bon. D'accord, okay. Bon plan. Ouais. OK, 3, 4. C'est un musicien. Ouais, c'est ça. Ouais, OK. 3, 4. Invité! Invité! Invité! Invité! Invité! Guillaume! Comme ça, t'as pris le bœuf bourguignon dans l'avion. Ouais, dans l'avion, j'ai pris le bœuf bourguignon. Ben j'étais, oui. J'étais trop content. Est-ce qu'il y avait des bébés? Pardon? Est-ce qu'il y avait des bébés dans l'avion? Ouais, il y en avait un. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Ouais, il y avait l'air métallique un peu, vaguement? En fait, si tu veux, il avançait tout le temps dans les travées. C'était vraiment en plus. Il avançait à quatre pattes et sa mère le suivait, genre en disant tout le temps pardon, pardon. Et on avait tous peur qu'il nous pète à la gueule, quoi. Ben mais oui, c'est voilà. Mais bon, ça s'est pas fait. On a été contents. J'ai pris le bœuf bourguignon. On a atterri. Tout va bien. Excellent. Donc, t'es en voyage à Montréal pour le plaisir, les vacances. Pour le plaisir. Et ouais, en fait, j'accompagne ma maman. Ah, oh, c'est cool. Ouais, j'accompagne ma maman. On la salue. Voilà, parce que ma maman, elle a été invitée ici. Et donc, je lui dis, ah, mais je connais du monde et tout. Vas-y, viens, je viens avec toi et tout. Oui, certain. Bien content de te rencontrer d'ailleurs. Ouais, moi aussi. Membre cofondateur de notre chapitre parisien, pas de pitié pour les navets. Alors, je suis pas cofondateur, en fait. C'est Mathieu qui a tout fait. Faut même le dire. Mathieu Berton, Mathieu présent. Big up. Mathieu. Big love, Zoo Club. Voilà. Le Québec t'aime, Mathieu. Le Québec t'aime. Non, merde. C'est comme ça. Puis j'ai vu le réserviste. Vas-y, dis-nous. Regarde la caméra. T'étais-tu dedans? Moi, en fait, j'étais chargé d'éloigner les gérants de la propriété fermière quand on la scène où on encule la chèvre, en fait. Ah, bon. Moi, c'était mon métier. C'était dire non, mais là, pour des questions de son, il faut partir, messieurs. Guillaume, si vous avez une gamine de 12 ans. Voilà, c'était ça, moi. C'est un travail que t'aimes avoir, mais ça, toi, t'es politique un petit peu. T'étudies la politique. C'est ça. Et j'ai fait ça aussi, ouais. J'ai étudié au départ en me disant, putain, c'est pas possible, je pense qu'on nous enfle tout le temps, je dois me gourer. Et plus j'ai étudié, plus je me suis dit, ah bah non, en fait, c'est bien ça. Puis encore plus profond, tu vois, et plus, tu vois. Oh oui. Voilà. Ça veut dire que t'es endetté. C'est ça. Et voilà, t'es un fier citoyen de la société. Voilà, c'est ça. Pour acheter des canapés en cuir et des trucs comme ça. Voilà. Tu fais ta juste part. Tout à ton honneur. Sinon, pour le dire, le réserviste, c'est très bon. J'ai très hâte de pouvoir vous le montrer. Excellent petit film. Il y a le gars qui se replace le nez. Ouais, je vais faire un visionnement à l'interne pour les chums. La gang. Oh. Le gars, à un moment donné, il reçoit un coup de poing dans la face, man, puis il fait... C'est con! Il coupe, à un moment donné, il coupe le bras d'un autre avec une mitraillette, puis il tient le bras qui tient la mitraillette. Et il s'appelle Danton. Oui, il s'appelle Danton. Très bel hommage à Mike Danton. Sûrement, ben oui. Merci beaucoup. Des Bruce Willis, moi, voilà. Ça. Ouais. Puis sinon, toi, ton projet qui te tient à cœur, à part pas de pitié pour les navets, qu'est-ce qui te garde en vie, Guillaume? Qu'est-ce qui me garde en vie? Il y a plusieurs choses qui me gardent en vie. La première des choses, c'est quand même... La nourriture. Ouais, déjà. Et ma mère aussi. Ouais. Et tout son amour. L'amour de Marie aussi, que j'ai découvert ce soir. La religion, maintenant. Et puis moi je suis un fouteur de bordel, en fait. Moi c'est mon métier dans la vie. Ok, donc, mais tu t'en tiens à date. Voilà. Ouais, pour l'instant ça va, c'est plutôt cool. On brûle les livres ici. Ok. Non, on les brûle pas. On les lance. Il est où on commence doucement. Attends, il est où l'amour gitan? Voilà, sous le charme gitan. Un très bon ouvrage. Voilà. Ouais. Et donc, Le corsaire de la reine, la valse des cœurs, les beaux messieurs de Pétrina, je crois que c'est quand même celui-là. Le désir de mon cage. Moi, c'est lui mon préféré, les beaux messieurs. Ouais, les beaux messieurs de Pétrina, on vous le. Ouais, contrebandier de l'amour, quand même. Voilà. Fait que toi, t'aimes beaucoup la littérature anglaise. C'est ça, d'émotion. Ouais. La littérature d'émotion, la littérature d'amour, la littérature de la vie. T'as rien à voir avec ça. Pas comme moi. Voilà. Non. T'as-tu un écrivain préféré? Ouais, ma mère. Voilà, tu sais, on représente. Ouais. Maman, elle est pas moi, je t'aime. Ouais, ouais. Et c'est la réponse à toutes les questions. On voilà, t'aime, voilà, maman. Mais, voilà, je l'aime beaucoup. Et sinon. Est-ce qu'elle t'aime, elle? Je suis pas sûr, en fait. Elle ouais. était pas vraiment sûre de m'avoir. Puis elle m'a dit, tu t'es fait des tatouages, maintenant je t'aime plus. Ouais. Et elle m'a dit, va ouais, avec tes copains là-bas. Elle est restée dans l'aéroport, étrangement. Voilà. Elle m'a dit, quand t'étais bébé, j'ai même pas pu te piéger pour niquer un avion ou deux. Donc, c'était même pas la peine. Je n'ai été que déception. Il utilise le bébé, il met la bombe dans sa jambe. Voilà. Hop. Ça n'a pas bien pété le premier coup. Il est probablement déjà en route pour la maison. Puis, tu joues-tu à Magic? Non, putain, je joue plus à Magic. Enfin, j'ai joué à Magic. Ah, ça compte. Il y a beaucoup qui disent ça. Hein. Ça se perd à l'université, souvent. C'est... Ouais, en France, ça se perd vachement. L'argent passe en bière à la place. Ouais. Tu sais, nous, on a vécu 5 ans très durs. Là, ça coûte trop cher. Ouais, avec une interdiction de Magic. C'était pénalisé par la loi. Pour vrai? Et non. Et okay. Donc non mais ça aurait pu passer on tu vois s'attaque aux gangs même voilà. Ouais. Tu sais nous on aime bien faire comme si on avait été vraiment dans l'horreur et tout touché ouais, ouais, ouais. Bon on n'est pas trop allé manifester tout ça et tout nous tu vois mais on a bah, fait ça genre ça brûle on a quand même des chars d'incité des fois ouais, ouais c'est vrai mais eux ils font le taf et nous on dit ouais c'est vrai et tout tu vois on est sur Facebook on publie un clip de rap on dit ouais putain la société c'est de la merde et tout c'est machin, vrai hein. Ouais bah viens on va au Starbucks ouais tu vois on est un peu comme ça je connais un gars qui nous a trahis de même cette semaine. Non, c'est... non, ah ouais? Boudreau, il est allé s'acheter. Mais je pense ah que, ouais. Il a ouais. mordu fort dedans. Ouais, ouais. Hey, t'es-tu du genre à. Mettons, t'es-tu genre à penser que t'es à l'aise avec les filles? T'es-tu bon avec les filles? Alors, en fait, bon, il y a tout notre amour avec Mathieu, déjà. Okay. Hein, il y a toute cette chose-là qu'on essaye de faire passer pour une légende, hein, bien sûr. Non, ben oui. Et on dit non, mais c'est pour le business. C'est pour le business, voilà. On fait juste du sexe payant pour les spéciales fesses. De douteux tout ça et tout et voilà et puis des fois c'est trop fort dans les coulisses tu vois c'est voilà ça coulisse dans les coulisses et donc voilà tu vois un film de Mathieu Berton voilà le principe c'est voilà on a un grand jeu en France c'est dès que tu dis un truc un peu tendancieux tu rajoutes un film de Mathieu Berton Your Legend ouais, ouais. Et donc voilà derrière et ça passe bien derrière et ça passe bien voilà un film de Mathieu Berton voilà, ça marche comme ça alors c'est un grand jeu qu'on essaie de lancer partout donc voilà et voilà. Ah, alors, avec les filles, en fait, ça marche quand je joue à Magic, uniquement. Sinon, ah ça, ouais, voilà, ouais. Sinon, c'est pour ça que t'as arrêté, tu vois. Ouais, c'est pour ça que j'ai arrêté, pour pouvoir vivre avec Mathieu, sinon c'était plus possible. J'ai l'impression que c'est pas vrai. Ouais. Non, ouais. Pourquoi lui mentir en même temps? Dis-nous le contraire d'un mensonge. Le contraire d'un mensonge. Ah oh là, ça va être. Bah, je suis bien content d'être là, bordel. High five. Ah, yeah. Yes. Ah, bon. Va passer la soirée avec nous autres. Ah là là. Ah là. Vas-y. Yo. Et voilà. Énergie. Moi, j'ai laissé la femme de ma vie au Danemark en disant, tu vas voir, je vais créer un pont entre l'Europe et l'Amérique. Puis, regarde, tu vois, le temps. Voilà, j'arrive. Tranquillement. C'est peut-être la prochaine femme de ta vie, tu ne le sais pas. Ouais. Maintenant que j'ai découvert la religion, tu vois. C'est, voilà. Dieu, voilà. Il compte pas mal les gars. Voilà. Il l'a dit deux fois dans son livre. Ouais, tout c'est le vrai, monde aime. Sauf que c'était prêt. Enfin, tout le monde se balade non, en toge. Non, même c'est encouragé, je pense. Si un homme couche avec un homme de la manière qu'il coucherait avec une femme, ben cet homme-là a fait une affaire à moi. Non, non. Non, c'est pas là. Ça dépend de quelle traduction tu lis, je pense. Ah, tu c'est pour ça aussi qu'ils aiment les faire mettre à genoux, peut-être. Là. À chacun ses souhaits. Merci beaucoup. Vous, c'est Charles. Avec plaisir. Ben oui, continue à passer les commentaires qu'il faut que ton cœur ouais. se sente libéré de. C'est ça, t'sais. C'est ça. Puis je trouve ça assez plaisant que tu sois passé nous voir. Eh ben, moi donc. Voilà. Comme cette semaine, on n'a pas l'affaire des chats. Moi, j'ai une affaire, c'est chat chaud. C'est un gars qui s'appelle Marc-André qui nous vient de Rouyn-Noranda, puis il découpe des bouts de films. Il a découvert qu'on existait un coup que j'ai déménagé de là-bas. C'est pas comme si c'était gros Rouyn, mais bon, hein, c'est un ami qu'on a là-bas sans le savoir. Puis il nous a envoyé, depuis qu'on parle de chat, il nous a envoyé une affaire, ça s'appelle chat chaud. Il a découpé ça dans le film que les chats sont chauds. Oui. Est-ce que les chiens sont gentils dans ce film-là, mettons? Non, il n'y en a pas beaucoup. Non. Ils se font tuer par les chats. Puis, là, le gars, vous allez voir, il a peur des chats. Ok. Fait qu'on écoute ça? Fait qu'on écoute ça? Fait qu'on passe de chat au cinéma, là, c'est pas nécessairement un chat qui l'a fait. Tu peux le partir, moi, je parle, c'est pas grave. Ou encore, tu pourrais attendre que je l'ai tué. Tu me dénonceras ensuite. Comme ça, ça t'éviterait de partager avec moi. Thank you. tu trompes, ici il n'y a pas de chat. Il est venu du fond de la ruelle. J'ai entendu son miaulement. C'est probablement le séchoir qui crépitait. Chat. Écoute. Pour aller réveiller la condamnée à mort. Moi, je suis obligée d'être à 9h à mon travail. Et retourne pas, sinon tu seras obligée d'expliquer ce que fait ce chat dans cette rôtissoire. Je l'ai enlevé. J'ai nettoyé et remis de l'ordre pendant que tu t'habillais. Si tu veux connaître mon opinion et la faire tienne, nous devrions aller tout droit dans ton lit pour y passer le reste de la journée. Plus tôt elle te rencontrera, plus tôt elle fera le testament. Quoi de neuf, docteur? On dirait Bono. On dirait Bono, hein? Ben, merci, Danny Daniel. Je l'avais pas vu. Non, puis, personne l'avait vu. Ça fait deux semaines que je l'avais vu, moi. Ah, ben, écoute. Puis on attendait ton retour pour pouvoir le faire. Ben, merci beaucoup. Je suis sans mots, là. C'est le plus bel hommage qu'on m'ait fait. Ben, là, tu vas avoir une chronique pareille. Ouais, ben, c'est le moment Bernatché avec Julien. Ça le dit dans la vidéo. Alors, ben, cette semaine, comme je disais tantôt, j'ai une chronique, j'ai un petit jeu. Je pense que c'est le temps de jouer à Michel Vaillant ou Michel Tremblay. Parce que, c'est ça, On les confond souvent. On confond souvent un peu Michel Vaillant et Michel Tremblay. C'est deux univers qui se ressemblent pas mal. C'est deux styles d'écriture assez similaires. Mais il y a des nuances quand même. Il y a moyen. Il y a des nuances, mais des fois. Il y a moyen de les différencier. Des fois, hors contexte, pour citer notre premier ministre, des fois, on sait plus ça vient de où. C'est ça. Fait que voilà. Alors, je vous dis une citation, puis vous me devinez si ça provient d'un album. Non, vous expliquez les règles. Tremblay ou Vaillant, mettons. Non. Michel Vaillant ou Michel Tremblay. OK, Michel. OK, alors, prends. Le départ de la première marche... T'as peur, parce que je l'ai écrit à la main, là. Oh boy. Le départ de la première manche du Grand Prix de Formule 3 déchaîne un tel hurlement de moteur que toute conversation devient impossible. Michel Vaillant. Tu penses que ça vient de Michel Vaillant, toi? Moi, je dirais Michel Tremblay, la Formule 3 sur le plateau Mont-Royal. Michel Tremblay a écrit. Oui, mais Michel Tremblay a écrit 7 Michel Vaillant, effectivement. Mais non, ça vient de Michel Vaillant, effectivement. T'as mis le U de l'album Panique à Monaco. Ça veut dire que je gagne un Barbara Cartland. J'ai pas réfléchi trop à qu'est-ce qu'on faisait. Si quelqu'un répondait correctement. Ok, on continue. C'est bon. Change sa couche, là, maman. Il va se taire, ça sera pas long. C'est Michel Tremblay. C'est effectivement Michel Tremblay, tiré du livre Le Grand Défi. Bravo, Tommy. Ouais. Ça se peut-tu que Tommy lise les réponses sur ta feuille? Je trouve ouais, ça ouais, check pas ma feuille. Il me semble qu'il est comme vraiment beaucoup trop bon. Il est vite, je trouve. Là, t'sais, moi, ouais, je suis un peu. Là, t'sais, ouais, c'est paf. Ok, je vous laisse la prochaine. Bon. Ce n'est pas encore aujourd'hui que je prends la photo de Vaillant en vainqueur. C'est dur. Ok. Il y a peut-être un piège. Vaillant, ça, c'est-tu un des personnages dans La Grosse Femme d'à côté? Moi, je l'attends Michel Vaillant, moi. Je pense que oui, Vaillant, je m'en fous. Je pense que oui, mais ça. Hey, on a Michel Vaillant, là. Moi, c'est soit Michel Vaillant, soit La Grosse Femme d'à côté est enceinte. Oui, c'est ça. Avec le personnage de Vaillant. De Roger Vaillant, le drag queen. Le travailleur qui habite à côté. Oui, c'est ça. Eh bien... là parce que tu dis que c'était peut-être Michel Vaillant. On voit une stratégie se dessiner à l'horizon. Parce que c'est Michel Vaillant. Ouais, ben, il a dit que c'était peut-être ça. Fait que ouais. Ça lui, il a dit que c'était Michel Vaillant. Non, je disais, le point est à Bruno. Il est comme ça. Il est comme ça, c'est dégueulasse. Moi, je t'en donne un pareil. Ah ben, merci. Moi, je vais prendre le contrebandier de l'amour. C'est mon préféré en plus. Ok, alors là, celui-là n'est pas piqué des verres. Ça, c'est une colle parce qu'elle parle de char. Fait que voilà. Va falloir que tu t'habitues, par exemple, parce qu'il paraît que c'est pire à Montréal. Il paraît qu'il parle de poser des lumières au coin des rues de Montréal pour aider la circulation. Je sais pas comment ça marche, mais ça a l'air qu'il y en a déjà quelque part aux États-Unis, à Salt Lake City, je pense. J'ai vu ça dans le journal. Il y a une lumière verte pour passer, une lumière rouge pour arrêter. Je comprends pas, mais si ça marche, on n'arrêtera pas le progrès, hein? Alors voilà. Je rappelle qu'elle parle d'automobile, mais... Mais c'est Michel Tremblay. Moi, je pense que c'est peut-être Michel Vaillant à Montréal. Son album qui est venu. Moi, je vais pas me prononcer. Ben, je le donnerai à Bruno. Parce que. C'est une bonne idée de pas se prononcer. T'as pas dit de mauvaise réponse. C'est ça. C'est le seul qui a pas dit de mauvaise réponse. Ça vaut un point. Non, ben lui, on veut pas dit de mauvaise réponse, mais c'est pas grave. C'était effectivement. Moi, je m'en prends un. C'est effectivement Michel Tremblay tiré du livre La traversée du continent. C'est ici, ben oui, c'est des vraies citations. Oui. Oui, on continue avec... vous allez vérifier à la maison, je présume. Ben oui. Les sont déjà sur Google. Alors, on y va. Vous êtes fait, monsieur l'ingénieur. Soyez raisonnable. Suivez-nous. Jamais. Voilà, du suspense déjà. Là, ça pourrait être n'importe quoi, là. Mais donc, il n'y a qu'un mot, un coup parti, on peut pas le trouver, là. Moi, je vais y aller avec la famille, je vais dire ça pourrait être n'importe quoi. Ben, t'as raison là-dessus, mais vu que c'est Étienne qui les a promis, je vais te le donner à toi, Bruno. C'est bon, c'est bon. C'est lui qui a pris la décision de choisir ce que j'avais dit. Ça aurait pu venir n'importe quoi. Dans le cas présent, ça venait d'un album de Michel Vaillant, soit l'album Cauchemar. Oh. Il y a plein de Barbara Cartland. Prendre, je t'ai cherché toute ma vie. Alors pour l'instant, donc, ça... c'est 3 points Bruno, 2 points Tommy, puis Mathieu, 4 points. Yes, sir. Mathieu Boudreau, 4 points. Pour avoir fermé sa gueule depuis le début de la chronique. Ouais, on va laisser faire ma chronique. Et on termine avec... non, c'est pas vrai. Mais l'envie, le désir, oui, c'était un désir presque insupportable. Il était trop grand. Il n'y avait plus de place pour la rationalisation. Sa tante et sa mère ne le surprendraient pas, ne pouvaient pas le surprendre. Il défit les boutons de sa braguette, puis celui qui retenait son pantalon autour de sa taille. Il sépara les pans de sa chemise, descendit son pantalon, son caleçon. Son pénis vibrait un peu, comme si quelque chose de vivant le secouait. Il regarda pendant un long moment, comme si c'était une chose qui ne le concernait pas, qui ne lui appartenait pas. Mais ça lui appartenait parce que le désir continuait à monter. Il voulut prendre son pénis dans sa main et acheter de haut en bas, c'est ce qu'on lui avait dit de faire. Mais quelque chose, probablement un fil noir qui s'était détaché de son pantalon, attira son attention sur son pubis. Il tira sur le fil pour s'en débarrasser, mais le fil résista et il sentit un petit pincement. Un grand poil noir presque frisé avait poussé à côté de son pénis. Quelque chose de tellement indécent, de tellement plus indécent que son érection elle-même, qu'il en resta sidéré. J'ai pas terminé la citation. Oui, alors, toi, est-ce que tu penses que c'est ma mère. Est-ce que c'est Michel Vaillant ou Michel Tremblay? Moi, je pense que c'est Michel Vaillant, définitivement. Ça, là, ce qui est tiré de ça, là. Ouais. Ça, ouais. C'est le défi. Le grand défi. J'avais une citation du grand défi, en fait. Toi? Moi, je dis que c'est Barbara Cartland. Moi, je pense que c'est Martine à la plage. Je vais donner le point à Tommy. C'était. Le fait, c'est que j'ai failli dire comme lui, hein. Ouais, mais c'était. Non. Mais après, il n'y a pas de mauvaise réponse à Michel Vaillant ou Michel Tremblay. Vous avez tous 1000 points. Yeah! Oh! Tout le monde a gagné! 1000 points! 1000 points! 1000 points! Ouais, même vous à la maison des 2000! Yeah! Quel match serré, c'est 1003 à 1002. C'est 2000 à la maison contre 1003 ici. Les gens à la maison ont gagné. Mais ils ont gagné surtout de m'avoir écouté. c'était ça le prix. C'est une bonne chronique. Ça veut-tu dire que t'as fini? Oui, c'était tiré bien sûr du le premier quartier de la lune de Michel Tremblay. C'était beau, ça? C'était ça. Ouais. Le poil frisou. Ouais, sa première érection. Ouais, voilà. T'as fait des photocopies pis tout, là, pour faire ça? Là. Ouais, j'ai fait des photocopies à la cinémathèque, fait qu'il faut pas le dire. Ah, c'est bon. Voilà. Ah, ils ont plus beaucoup d'argent, hein? Non, ils ont plus beaucoup d'argent, mais. C'est ça. Puis c'est en 6 mois, j'ai ma permanence. Ça, ils peuvent me renvoyer. Ouais, c'est bon. Avant de parler du long métrage, on va écouter le premier extrait tiré du film de ce soir, des Transformers de l'espace. C'est un chef-d'œuvre, c'est un classique. C'est Joseph Fly, c'est... Ça a l'air quelque chose. Venez et observons l'écran. Crocodile? C'est exact. Je m'en sers pour certaines expériences et c'est bien pratique parfois. Hein? A-t-il été désintégré par les rayons? En fait, il est toujours là, mais pour le voir, il vous faut l'aide d'un microscope. Oui, le crocodile a été réduit à une taille microscopique. Que pensez-vous de ma petite découverte? C'est formidable. Comment y êtes-vous parvenu? C'est une combinaison des rayons atomiques et une pression et une température constantes. C'est-à-dire que nous pouvons réduire un objet énorme à une taille microscopique? Mais comment utiliser notre invention pour sauver les vies? Il faut simplement réduire notre meilleur soldat. Une fois accompli, nous pouvons le mettre par injection dans le corps d'Ivy afin de combattre la bactérie. Mettre un soldat à l'intérieur de son corps? Et vous, là-bas? Il y a quelqu'un. Promenez! Pas mal là-dessus, ça. Oh, mais c'était lui. Ouais, ouais. Donc, c'est vraiment un grand film qu'on écoute ce soir. C'est les Transformers de l'espace. Comme vous avez peut-être pu déduire en voyant des bribes de ce qui s'appelait de l'animation, ouais, ouais. C'est basé sur l'histoire d'un robot de l'espace qui est comme composé de plein de petits robots. Mm-hmm. Qui là, il faut le rapetisser pour aller tuer le virus de l'espace qui ont injecté les méchants brigands de l'espace à la planète, à la princesse de la planète Terre. Là, ben, le film se passe au début dans l'espace. Après ça, ils vont dans le laboratoire du professeur Mange mon nœud. Après ça, ils se font injecter la substance de radiation, de la compressage, de constange. Là. Puis là, ils deviennent petits. Puis là, ils s'en vont dans le corps de la princesse où les décors sont pareils que dans l'espace. Et puis là, ben, ils se battent contre les méchants gobelins qui vivent dans le cerveau de la fille, je sais pas. Puis là, ben, ils réussissent à les tuer. Puis là, ils peuvent sortir du... Puis là, on va écouter après la dernière séquence du film. C'est un excellent long-métrage. Et d'ailleurs, avant de l'oublier, j'aimerais mentionner qu'à la manifestation de Victoriaville, on est allé en arrière parce qu'on n'est pas allé où les gens se rejoignaient dans le stationnement. Il y avait un gars qui vendait un roman. Il était habillé en Jésus puis sur une croix. Puis le gars, juste à côté de la manifestation, il vendait un roman. Puis je me suis dit, ça peut-tu être plus arriviste? T'es à côté de, tu sais, puis là, c'était, on se réunissait dans le stationnement du Walmart, tous les haltères mondialistes. Fait que là, on pouvait aller acheter des breuvages avant d'aller à la métropole. Mais en tout cas, rendu là-bas, ça brassait à sapristi. Et juste avant que ça commence, parce que nous autres, on est plus allés tourner autour de l'hôtel avant, à la place d'aller dans le stationnement, parce qu'ils gueulaient des. J'aurais dehors, tu sais, pendant 2 heures. Je veux pas dire que je le pense pas, là. Mais tu le cries pas pendant deux heures. Puis là, ben, c'est ça, on est allé avant, on est allé en arrière de l'hôtel, puis il y avait comme plein de grosses polices qui fumaient des cigarettes. Puis là, ben, tu sais, on avait la caméra, puis hey, les gars, on peut-tu vous poser des questions, puis blabla. Puis là, je leur ai dit, non, mais nous autres, on aime ça poser des questions que les autres gens, ils posent pas. Genre, c'est quel ton dinosaure préféré? Là, il y a 3-4 grosses polices qui. Je dis, oh, hein, toi aussi, t'aimes ça, les dinosaures, hein, moi, mon préféré, c'est le stégosaure. Puis savez-vous quoi, les gars? Puis là, il y en a un qui a dit, oh là, va-t'en. Là, il y avait plein de polices, puis là, je lui gueulais que les nouvelles recherches, là, ils demandent que les dinosaures, dans le fond, là, ils auraient eu toutes des plumes. Il y aurait eu toutes des plumes! Pendant qu'on t'en porte. Ça a été pas mal drôle, ce bout-là. Et puis j'ai eu pour la première fois de ma vie du gaz lacrymogène. Il y en a plusieurs qui ont dit que c'était des gaz qui étaient plus forts que d'habitude. C'est ce que j'ai ouais. Il était pimpé up, mon gars, mais c'est... Pimpe ton gaz. J'ai jamais senti ça avant. Là. Ça monte, puis là, tu sais, puis là, j'arrêtais pas de cracher parce que, tu sais, le corps aime pas savoir ça en dedans. Mais en tout cas, on a senti que c'était une belle journée pour la liberté. Oui. Et, ouais. La démocratie. C'est ça que notre peuple va très bien. D'ailleurs, on va voter québécois minoritaire si on s'en va en élection, ce qui est contraire à tout ce que la vie est. En tout cas. Ouais. C'est ça, ça va bien en France au moins, hein? Ouais. Vous êtes ouais, rendu socialiste ouais. depuis ouais. hier? Ça y est. C'est fini les problèmes. Fini les problèmes. Nous, on se tient tous la main maintenant. C'est chouette, quoi. Ouais. On donc, joue du djembé et tout, c'est bien. Donc, je parle un petit peu des Transformers de l'espace. Le film de ce soir, c'est commis de... le réalisateur, le gars responsable du film de ce soir, c'est commis de nombreuses fois dans des films de ninja et moustachu. Et fluo, au point d'en être la source des films de Ninja, Moustachu et fluo. Je parle bien entendu de Joseph Lai, le Sud-Coréen d'origine, patron fondateur de EFD Entertainment et père du recyclage audiovisuel tel que pratiqué en Asie. Avec son espèce d'homologue démoniaque, là, qui est Godfrey-O. Si lui, c'est le diable, ben Godfrey-O, c'est son Lucifer, mettons, là. Joseph Lai, donc, qui vient souvent accompagné de Godfrey-O. Les deux ensemble sont surtout connus pour leurs nombreux films de ninja moustachu fluo. Ce soir, rien à voir, on est dans le volet animation de sa carrière unique pour tous et importante seulement pour nous. Parce que d'habitude, la carrière de Joseph Lai, ça intéresse personne, mais à douteux.org, on l'a suivi religieusement à rebours. Les Transformers de l'espace, c'est le contraire de palpitant. L'histoire est intelligemment développée, mais à l'envers, et l'animation ne reflète jamais des milliers d'heures de travail assidu à un des médiums les plus difficiles. Comme dans tout ce qui est important, il faut se concentrer sur les concepts qui seront développés par la diégèse. Des vaisseaux spatiaux dans un corps de jeune fille dans lequel on injecte un robot humanoïde constitué de plusieurs petits robots insectes. Oui, vous êtes demain des dessins animés les plus douteux qu'on a pu concevoir. Et quand je dis on part, on, ben je parle de la biosphère. Tu sais, je pense pas que la vie sur Terre pourra jamais faire un dessin animé autant qui va, tu sais, qui va autant mettre l'autre dans l'ombre. Puis j'ai vu les affaires qui parlent de Jésus. Là. Non. Les dessins animés, tu sais, pour brainwasher la jeunesse. Là. Ouais. Mais regarde là-bas, c'est Abraham. Il veut sacrifier son fils. Oh, il aime Dieu. Non, il déteste simplement son fils. Maintenant, j'aimerais me vider le cœur sur un concept qui me déplaît beaucoup depuis longtemps, OK? Mettons, moi, je suis capable de faire des exosquelettes de combat. Là, je fais des exosquelettes de combat. Puis là, à un moment donné, là, ils peuvent se ramasser tout ensemble, devenir un plus gros exosquelette de combat. Il me semble que c'est le seul moyen de... En un seul move, tu viens de neutraliser la part de quatre de tes pilotes, puis tu viens de les mettre en... Ça sert à quoi, Chris? Ça va être faisant dur, un gros d'un coup, c'est tout! Ça va être pas mal tough à coordonner. Conduit par un, tu sais, t'as pas besoin d'en avoir cinq, là, après ça. Hey, il est où la jambe, là? On a l'air fou, tu sais. Voyons, Chris! Ouais, il est malade, il vient d'appeler. Il arrive dans cinq minutes, là, mais non, là, fais un robot, un pilote, tape ses nerfs. Ça veut pas dire que des fois, ça peut pas être une bonne idée de faire une plus grosse force de frappe pour maintenant, on fait un robot, un pilote. Ouais, sinon, l'autre, il est dans la jambe en bas, là. Non, c'est vrai. Il sert à quoi? Ouais, non, mais dans les Power Rangers, là... Les Power Rangers pour tout ensemble, débat. Puis après ça, il était tout dans la même salle. Pour s'encourager. Ouais, c'est ça. Puis là, il faisait « Yo, tout le monde ensemble, là! » Ouais, c'est ça, ouais. Donc, c'est un petit peu mon aparté, mais ça veut rien dire par rapport aux Transformers de l'espace, que même s'il avait été tout seul, on s'en serait... Puis vu que le long métrage est long d'à peine 30 secondes, pour faire 60 minutes 30 secondes, ben on a les excellents. Ouais, il me fait tout le temps éructer ce film-là. C'est Mortal Kombat, l'aventure débute de 1995. C'est un dessin animé très, très, très douteux. Ouais. Qui faisait le début de la majorité de nos visionnements à long terme dans le passé. Ce qui nous amène au dernier clip de la journée, c'est le choix de Dieu. Choix de Dieu. Choix de Dieu. Le choix de Dieu. Hey! Ça va faire! Et what the fish? Plage. On va aller voir le grand Daniel Bellavoine et tous les cris, les SOS. Dorme dans les tresses et les choses qui rêvent en S. Avec de l'air, Swinguer la con. D'accord. Alors, Mark Adair, un homme de Naples, en Californie, à ne pas confondre. Un dépanneur. Fait face à des accusations criminelles après avoir été accusé de sortir d'un McDonald's sans payer pour son verre de boisson gazeuse. Oh là là. Le gérant de McDonald's a expliqué à la police qu'Aber était entré vers 22h demandant un verre d'eau. Il aura ensuite le rempli le dit verre d'eau de boisson gazeuse. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Et se serait assis devant le restaurant pour les narguer, là, tu sais. Ben ouais, clairement. Oh, hein? En pensant qu'il ferait rien. Pendant une dispute avec le gérant, Aber aurait refusé de payer pour sa boisson gazeuse d'une valeur de 1$. Le... L'homme qui avait déjà deux accusations pour vol à l'étalage à son dossier fait face à une amende de 5 000$ et à 5 ans de prison. Ah, il y a une justice quand même. Pour avoir volé un vin de liqueur. Ben, c'est parce que c'est, ben, c'est une deuxième récidive. C'est un récidive également. Ouais, ouais, et il nargue aussi. Hein. Mais donc, c'est un build-up. Voilà. Ben bon pour lui. Une petite si Zachary P. Ramirez, un homme de 21 ans de la région de Chicago, a été arrêté pour excès de vitesse alors qu'il roulait à 180 km/h dans une zone de 70. Lorsque le policier l'a interrogé, Ramirez aurait dit qu'il allait vite car il était pressé d'aller rejoindre une fille qu'il aimait bien pour coucher avec elle. L'homme aurait aussi brûlé un feu rouge et un stop avant d'être arrêté. Ah, misère. Pour le sexe. Qu'est-ce qu'on ferait pas? T'sais, c'est quoi, il a dit, ah ouais, donne-moi mon ticket, vite. Ouais, probablement. Ça, ça accélère toujours les procédures quand tu dis ça, d'ailleurs. Ouais. Est-ce que tu peux me guider, monsieur le policier, avec la sirène? C'est très important. Une belle gueule de champion. Ça y rend une femme enceinte. Deux fois et demi, la vitesse permise, ça s'appelle Marie. Elle s'appelait Marie. Ouais. Là, on est rendu à quelle nouvelle, Brad, selon toi, là? Ouais, ok, c'est bon, on va faire elle. D'accord. Anna Makowak, je sais pas comment dire son nom, elle est polonaise. Le 34 ans fut très surprise de voir l'homme qui l'avait laissé deux jours auparavant avant d'entrer dans son cabinet de dentiste se plaignant d'une rage de dents. J'ai essayé d'être professionnelle et de me détacher de mes émotions, affirme-t-elle. Mais quand je l'ai vu coucher là, je me suis dit, quel salaud! Et j'ai décidé de lui arracher toutes les dents. Le gars, lui, il a pas réagi. Hein, la dentiste a alors endormi son patient avec une forte dose d'anesthésiant et a commencé à arracher ses dents une par une. Elle lui a alors mis un bandage autour de la bouche pour l'empêcher de parler et lui a dit qu'il y avait eu des complications et qu'il devrait voir un spécialiste. La dentiste fait face à des accusations de faute médicale et pourrait faire jusqu'à 3 ans de prison. Ce qui est quand même moins que ce qu'on obtient en volant un compte. En volant un compte. Don't fuck with Ronald, mec. On voit, c'est ça. Mais il était pas récidiviste. Non, c'est ça. Il a pas nargué. À moins qu'on compte chaque dent de plus comme une récidive. Non, il faudrait qu'il y ait une sentence à chaque dent. Ouais. Il m'en reste une petite dernière. Les législateurs de l'État du Tennessee veulent pousser un programme d'études prônant l'abstinence en décourageant les étudiants à pratiquer des activités pouvant mener au sexe, incluant probablement les baisers et le tenage de main. La loi qui a été approuvée au Sénat est assez vague dans ses propositions, indiquant que les professeurs d'éducation sexuelle doivent décourager les étudiants à pratiquer ces activités sexuelles charpentes. Et considérant la même manière que la marijuana qui peut mener à des drogues. Ouais, touche la personne, voilà. Ça peut te donner envie. Aucune de ces activités n'est par contre décrite dans la loi en question, ce qui n'a pas empêché les sénateurs de voter pour à 28 contre 1. Ah! Bravo! La jurisprudence nous dit. Dessin! Ouais. Ils vont laisser les juges décider qu'est-ce que ça veut dire. Ben oui! Ouais. Ça va bien finir. On verra bien, là. Ça va sûrement être cool. Tu sais, quand tu dis qu'il me semble qu'il manque de gouvernement dans la vie à des places, puis qu'il y en a bien trop à d'autres. Là. Ouais. Tabarnak! Fait que là, ok. Ouais. Mais là, tu peux peut-être avoir ton diplôme de marié, tu sais, à partir de. Ouais, ben qu'à partir du moment que t'es marié, là, t'es correct. Mais ça aussi, c'est pour dans les écoles, tu sais. Fait que. Oh! Ouais. Mais c'est criminel, j'ai pas. C'est criminel ou bientôt, pénal? Bientôt. Je pense que bientôt. C'est pénal. Pénal là. Juste un ticket. Ouais, je pense que c'est un ticket. Puis je pense que je sais pas si les enfants vont pogner des tickets, si c'est les professeurs qui tolèrent ça. Parce que tu peux pas me sembler à 12 ans. Une chance qu'on n'est pas aux États-Unis. Ouais, c'est déjà ça de prix. On est au Canada, mais. Ouais. On n'est pas en France. Au moins l'avenir est beau. Il nous reste la France. Vers quoi viser là? Ouais. Parle-nous donc de toi. Je vais vous parler. Moi, premièrement, j'ai un petit flash Twitter. Merci, Bruno. This Justin, ça vient juste de rentrer, un résident de la rue Bourbonnière sent qu'il habite à Beyrouth, car l'état de la chaussée est déplorable. Donc, je voulais juste partager ça avec vous. Oh, il y a des oh. gens de la rue Bourbonnière qui, clairement, sont pas allés à Beyrouth souvent. sinon, bonne nouvelle, Julien, c'est pour toi. Oui. Le Twitter de Gastoun, que je suis depuis que tu en as parlé, ouais. vient pour la toute première fois d'émettre un tweet depuis que moi je le suis. Oui. C'est en fait son 24e tweet. Il nous dit « Gastoun vous manque, les auteurs planchent sur les nouvelles planches. » Gastoun! Eh oui, rappelons que douteux.org est le 9e et dernier abonné de Twitter de Gastoun. 9 abonnés, 2 abonnements, 24 tweets, 7 actifs. Ça roule. Ben là, il planche sur d'autres planches, là. Non. C'est le neveu très pertinent de Gaston Lagaffe. D'accord. Donc, ça fait, être BD, c'est pas du tout le jeune Spirou, là, c'est Gaston. C'est ça. Il est cool puis écolo. Ok. Ouais. Ah oui. Ouais, ça doit être bien cool. C'est très, très cool. Très prochain bon. Album encore, c'est ça? Mais j'ai donné 8 sur 10. Oui. Ah ouais, quand même. Ben ouais, juste 8 sur 10? Ouais, ben c'est vert, hein? C'est pas super bon. OK. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui est passé après nous éditer la page Wikipédia de Gastoun et il a enlevé un paragraphe, mais il a laissé le fait que Julien Bernatchez avait donné 8 sur 10. Donc, je trouve que c'est bien. C'est au courant. Ouais, c'est correct. Donc, voilà, c'était mon suivi de dossier. Maintenant, on va y aller avec les chansons de des Maris. Donc, j'ai différentes Maris ici qui peuvent vous interpréter toutes sortes d'affaires. Je vais arrêter la musique d'ambiance. C'est sûr qu'il y a... Il y a plein de belles choses. J'avance là-dedans très arculon. Là. Ouais, je sais bien. T'as pas de Maristone. Non. Okay, non. C'est bon. Non. Il y a une ligne à tirer. Quand même. Ah ouais, Eric est avec Linda. Eric Lapointe est avec Linda. Quelqu'un reprenait Maristone. Okay. Quelqu'un reprenait Maristone, ouais, peut-être. Ça dépend de qui. Ouais. Mettons Michel Fernier reprend Maristone. Donc, j'ai ici Marie-Myriam et son grand hit de toujours, Sentimental. Voilà. Ah oui, c'est l'égal des paroles aussi. Elle est comme ça. Elle est... On n'entend pas très fort ici. Non, mais on le ressent pas. Maintenant, il a dit qu'il y a eu 4300 tonnes comme ça de l'herbe. Ouais. Ça, c'est probablement ça. Celle-là même est intéressante. Ça, c'est la avec vraie. Avec raison. Oui, oui. Ça, c'est la vraie version. La vraie. Ouais, c'est chaud. La version arienne. Ouais. Ouais. C'est elle qui brûle les os. La version peur. Voilà. Voilà. On change plus un peu de beat? Ouais, c'est bon. Allez, on OK, on la lève jusqu'à la fin. Allez. Si vous voulez, je peux la laisser. Pendant ce temps-là, je fais mon top 10 des potes. Ah oui. Ouais, c'est allez. Bon, ça. Allez. Un top 4 cette semaine? Non. Donc, le spécial pochette cette semaine, c'est un spécial gros plan de face. Donc, inspiration qui est venue comme ça. Donc, je commence ici avec Bérubé, en quatrième position. Bérubé, c'est ça. Ça commence fort. Ouais, quand même. Okay. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a avec Bérubé, là? C'est des cheveux ou un casque? C'est des cheveux. Okay. Des cheveux, je sais pas ce qu'il devient, Bérubé. Est-tu correct, Bérubé? Ah, Bérubé. Il est encore dans Bérubé noir. C'est exactement. Ça passe. Il fait des bonnes. Ça passe que Dieu l'a pris. Des bonnes chansons comme Testament, Les Marins, En descendant et À marée basse, à marée haute. Ah, moi j'aime pas ça, ses yeux. Thématique. Okay, voilà. Bérubé. J'aime pas ça. Ouais, ses yeux. Troisième position. On a. La belle promesse. Ah, Marie. Eh oui. Marie King. Marie King, qui d'ailleurs chante ceci. Je le pars tout de suite. Son grand hit, Ma petite Carole. Ça. Si vous observez correctement la pochette, vous vous rendez compte que c'est une photo de feu d'artifice sur laquelle on a collé une face de Marie découpée à botch. Ouais. Finit comme par un coin. Ouais, en arrière d'elle, il y avait un mur rouge. Là. Exact. Ils ont découpé ça de même, ils l'ont collé là-dessus. Et d'où vient en fait cette face de Marie? Eh bien, de cette pochette-là. Oh! Voilà. C'est comme les pochettes de cœur de pirate. Je sais pas, je les ai jamais vues. C'est la même affaire. C'est ça qu'elle fait? Ouais, c'est ça qu'elle fait. On est plus écrivé du coup de tout. Ce qu'on remarque aussi de Mary King, c'est qu'elle était pas très forte sur l'épilation des sourcils. Voilà, on est content de pas voir le bas. Ou était vraiment trop forte sur le mascara, peut-être. Peut-être, oui, elle les dessinait au crayon feutre. Ouais. Voilà. Sinon, deuxième position. Julie et Bernard, ça là, on se dit, c'est soit qu'il y avait rien qu'une pause à prendre dans l'appareil, ou soit que ça, ça a été leur meilleur. Je sais pas à quoi croire, mais c'est ça. Ah, t'as pas d'autres infos? Non, non, c'est ça. C'est juste ça. C'est juste qu'ils ont tous les deux l'air allumés, là. Puis, ouais. C'est ça. Moi, j'ai quelqu'un qui Julie travaille. Bernard. Julie Darache. C'est parce qu'à un moment donné, tu peux pas faire mieux. C'est ça. Ça, c'est le best. Il peut faire. Et sinon, mon top 1, je suis obligé de la remettre pour une deuxième fois parce que c'est trop beau. Il s'agit de Giorgio. Oh yeah! Oh. Giorgio, comment fais-tu? Et on a... Ouais, on a ça. Je l'avais déjà amené, mais écoutez... Il paraît qu'il accepte des sacrifices. Oui. Ah oui. Giorgio, ouais, c'est oui, le double. Donc, à l'éternité, Aïe. Merci beaucoup, Étienne. Ah, t'envoies, j'ai plaisir. Et puis, continue. Mais encore des Marie, là, la dernière était correcte. Elle était Marie King. Ouais, Marie King, écoute, elle a l'affaire. Non, elle est bonne. Pourquoi tu tapes dedans? Jamais, je tape pas dedans du tout. Ben, hey, mon petit gabarois. Donc, sinon, j'ai. Merci. J'ai une autre tune pas pire. En fait, j'ai apporté la pochette qui pourrait fitter dans mon thème de tantôt. Il s'agit de Mary Ekel, aka Passepartout, mais Passepartout a déjà fait un disque en tant qu'elle-même, en tant que Mary Ekel, toute seule de même. Ah, c'est peut-être ça qui a donné le contrat. Hein? Voilà. Malbrou s'en va en guerre, le pont d'Avignon, du gros métal. Moi, ce que je remarque de ce disque-là, c'est qu'il y avait un adolescent qui a vraiment pas mal trippé sur Mary Ekel avant que j'achète ce disque-là. Comment ça? Je sais pas. Regarde la pochette là, puis. En tout cas. Des Japonais. C'est ça. Donc, elle a repris juste toutes les chansons qu'on est habitué d'entendre, petites chansons pour enfants ordinaires. Puis elle nous explique ici pourquoi elle fait un album au début de la première toune. Hein? Oh! Beaucoup ça, chanter. Ben, j'ai plus d'argent. Mais ce que j'aime le plus, c'est chanter avec des amis. C'est ça qu'elle aime le plus. Chanter avec toi. Non. Alors, non. J'ai fait un disque avec des chansons que j'aimais beaucoup quand j'étais petite. C'est ça. Oh, il y en a sûrement que tu connais déjà. Et puis, il y en a d'autres que tu vas apprendre. Comme ça, chaque fois qu'on en aura envie, on va pouvoir chanter ensemble. Oh! Eh ouais! C'est festif. Un crocodile s'en allant à la guerre disait adieu à ses petits-enfants traînant sa queue. Sauf que dans la poussière, ils s'en allaient combattre les éléphants. Les crocodiles sur les bords du Nil ont disparu, n'en parlons plus. Donc voilà, fait que Mary Ekel, elle a fait un disque parce qu'elle aime ça chanter avec des gens. Fait qu'elle s'est dit, comme ça, je chante avec des amis. Ouais. Mais elle s'en rend pas compte, par contre. Non. C'est ça. Ouais. Mais elle aime ça. Ouais, c'est vrai, pareil, elle aide les amis. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Tu comprends? Ouais, ouais. Sinon, il y a Marie-Laure également, dont la pochette apparaîtra à l'écran. Marie-Laure qui a fait un album de chansons western. Qui va nous chanter ici, Pauvre camionneur. Aux quatre coins du pays, qui transportent pour nous la nuit, dans leur boîte à marchandises, tout ce qu'il faut pour bien vivre, filant à toute allure, c'est des gars qui n'ont pas peur, pour la sûreté, bien sûr. L'étiquette c'est 30 000 à l'heure. L'étiquette c'est 30 000 à l'heure. Oh, camion! Je pense, c'est comme. Combien t'as coûté ton ticket? 30 000 à l'heure! Ouais, c'est comme Yann Solo qui voyage en Paris. Pauvre camionneur. Ils font pitié, dans le fond. Ça, c'est tiré de son album Marie-Laure chante ses chansons western. Sur laquelle il y a Je suis une indienne, donc c'est ce qui explique la pochette avec le tipi en bois puis le cheval. Ouais. Puis la subvention du gouvernement. Elle n'a pas payé de taxes, rien là-dessus. Voilà. Donc, toi, le Canada, c'est à peu près comme tu pensais que c'était. Est-ce qu'il y a-tu assez de sirop d'érable là-dedans? Alors, il y a des Indiens, il y a des mecs habillés en police montée. Ouais, moi, je suis venu pour ça. Hein. Je suis venu pour tâter un peu du cow-boy. Il y en a pas mal. Il y a beaucoup de camions et de voitures. C'était super. Hier, j'ai vu une manifestation. C'était génial. Ah, t'es bien tombé. 22h, il y avait peut-être 100 personnes et 140 voitures qui suivaient comme ça. C'était super. Et c'est une belle ambiance, on a vécu ça aussi. Il a fallu qu'ils tombent sur la journée ou qu'ils ont. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, demain, puis hier. Puis aussi, il se passe des trucs de fou. Et j'ai l'impression, moi, d'avoir un accent. Et ça, c'est beau. Oui. Voilà. T'en as un. Ouais. Tu vas apprendre à dire tabarnak à un moment donné. Ah, ouais, il va falloir. Tu vas avoir de la misère. Ouais. Tu seras jamais vraiment bon. Tu seras jamais c'est ça. Regarde lui. Ouais, voilà. J'ai l'impression que j'étais un mauvais imitateur, c'est encore pire. Ça commence souvent comme ça, effectivement. Voilà. C'est comme le Québécois qui imite l'accent français, là. Ça tape tout assez énorme. Vas-y, imite l'accent français, vas-y. Bon, je parle pas. Je pas du tout pour ça. Je viens de dire que ça marchait pas. Vous savez. Putain, le mec. Je suis un peu chez moi. T'as vu la garce qu'il me fait? Du coup, chez moi en France, Astérix, en France, en France. Putain. Ouais. Fait que toi, t'en as-tu une autre? On arrive tranquillement à faire du show là. Vous êtes plus sympa ici. On est habitué, on en entend plus. On écoute des films en français, nous autres. Fait que ça a l'air. Ben, écoutez, il m'en reste deux, en fait. Moi, j'en ai deux. OK, deux, on est... choisis ça, Justin. Justin, OK. On va y aller avec celle qui fesse le plus, là, qui est dramatique. Ouais, justement, vu qu'on défonce. Ouais, vu qu'on défonce, on va conclure avec ça. Il s'agit de Stéphane. Stéphane, tiré de l'album « Quand tu liras cette lettre ». La lettre B. Qui est son grand succès. Je serai en train de me mettre. C'est que je serai mort, quelque part là. Ouais. Il nous a chanté également « Marie Jeunesse ». Oh! Oh oui, ça! Marie, jeunesse, pour toi ces grands yeux pleins de tristesse. Ça commence vraiment. Ne vois-tu pas que la vie te fait mille promesses? Pense à la dernière, lui est visqueux. Stéphane, là. C'est comme Mitsu. Il n'a pas besoin de nom de famille. C'est ça. Ok, ben la dernière, en fait, ok, je me demandais si je vais le faire ou pas, je vais la faire. C'est. Il a fait, tout le monde, il a fait! Merci. C'est une petite chronique. Petite chronique, que sont-ils devenus? Ah! Donc, je sais pas si vous vous souvenez de la fille qui faisait peau de banane puis qui a animé Fort Boyard. Merci. Elle est morte, là? Qu'est-elle devenue, Marie-Soleil Touga? Ben, imaginez-vous qu'elle est décédée. J'apprends ça aujourd'hui dans une chanson de Aline Lamotte et Christine Richer qui s'intitule Marie-Soleil, tu es partie. Ah! Oh. La voiture volée? Je sais pas, il n'y a pas de pochette là-dessus, par exemple. Mais ouais, je sais pas si elle va voler. Ça me dit pas dans le temps. En tout cas, elle était en avion quand elle est partie, fait que... avec un bébé. On va bien finir par un bonnet. C'est pas la avec bonne pochette, Dieu. Ouais, c'est tout ce qu'on sait. Un bébé qui se sauve. Tu étais comme notre enfant, tu étais comme notre père, pour être si grand. l'émission d'aujourd'hui. Ouais, si vous pensez qu'il y avait d'autres choses après avoir enduré ça. Vous avez tout enduré ça pour rien. Exactement. Ouais. Merci à tous les collaborateurs. Ils se reconnaissent. Vous voulez voir du name dropping rapide? Allez, ouais, vas-y. Name dropping. Bon, merci à notre invité de la journée, ouais. Guillaume. Ouais, moi qui vous remercie. Il la suit sur Facebook. Bon. Et puis des grosses, grosses découvertes en microbiologie. Ça avance vite. C'est ça. Excellent. On s'en va, nous, au brouhaha. Écoutez, les transformeurs de l'espace, c'est Mortal Kombat. L'aventure commence. C'est quoi que vous allez faire, vous autres? Vous allez rester sur les ondes de douteux.tv pour écouter la même chose, la même affaire. Ou aller au brouhaha. Ou dans un de nos six autres bars du Québec. C'est vrai, on est rendu un petit peu partout. On est même en France, mais différemment. C'est comme la Pinto, tu sais, Ford, tu peux pas la vendre en Amérique du Sud et appeler ça Pinto, ça veut dire petit pénis. C'était la Pinto, pareil. Rendu là, c'est Tommy, je merci. Let's go, Dieu, spin-off, là, on s'en va être sous. Ouais. J'espère que mes lèvres étaient coordonnées avec mes mots cette semaine. Après la pause, poursuivez avec...